Lettre dixième de Gibraltar. Il y a 12 000 âmes à Gibraltar, si l'on peut donner ce nom à ces Espagnols dégénérés, qui, pour quelques réaux, traînent le matin d'énormes ballots, s'attellent à de lourdes charrettes, et se reposent le reste de la journée. Approchez-vous le soir de ces malheureux, proposez-leur les moyens d'occuper leur moment, ils se riront de vos offres, fumeront paisiblement leurs cigares, se coucheront sur un tas de pierres, et s'endormiront, en comptant un jour de plus, sans s'embarrasser de celui qui va suivre. Heureux de leur indolence, ils se lèveront avant le jour, mendieront de nouvelles occupations, et dès que leur journée sera gagnée, les promesses les plus brillantes ne les engageront pas à quitter la pierre ou le banc sur lesquels ils étalent leur sotte fierté et leur avilissante paresse. Peut-on les appeler habitants de Gibraltar, ces juifs cosmopolites qui ne se fixent dans un pays qu'autant qu'il y a des dupes à dépouiller ou d'infâmes bénéfices à faire, qui, jouant la misère au dehors, ne rougissent pas de réunir chez eux un tas de ces femmes perdues qu'ils achètent à grands frais et qui nous rendent au moins le service de les priver de biens acquis par les plus basses et les plus honteuses spéculations. Leur nombre est fort grand ici. On m'assurait qu'ils composaient les deux tiers de la population et que seuls étaient considérés. Pauvre Gibraltar!